les suites. Rap hardcore sous violent prêt de beat. Rap hardcore sous violent prêt. Moi je pratique le rap hardcore sous violent prêt de beat. Dans style réaliste, ce qu'on appelle lyrics explicites. Révolutionnaire dans mes textes, façon implicite. J'applique qu'une logique, ça s'applique à chacun de mes titres. Juste histoire d'une rime, j'aurais pu dire qu'à L-I-X. Indique que beaucoup de rappeurs ont sucé des beats. Indique que très peu de rappeurs font preuve d'une éthique. Et ont pour but unique de répondre à l'appel du public. Mais revenons tout de suite et vite dans le style authentique. Jeff mix la zig, je balance le verbalistique verdict. J'revendique tout de suite, j't'incite. Mafia d'Afrique, lorsque je la cite, tu flippes. Car c'est l'unique mafia qui nique, ça mérite d'exploser les hits. C'est les hits qui résistent face à toute pression médiatique. Détenant du titre pour avoir su rester véridique. Au risque de ne pas finir friqué comme Jagger Mick. Reprends mon souffle, Kerry, MC athlétique. J'ai un léger temps, l'histoire de rester bien chronique. C'est pas la panique sur beat, j'n'ai plus de limite. Mon style est unique, j'insiste que personne m'imite. Lorsque ma technique atteint le point névralgique, j'entraîne le déclic, empêche ta meuf de rester pudique. J'débarque comme ça, tu sais ça, freestyle de sadique. Et je ricane de façon cynique. Rap hardcore, son violent breakbeat. Style réaliste sous la belle, lyrics explicite. Mix la zig, j'balance le verbalistique verdict. Ce son c'est de la nitoire, ou bien la peau pas de rap hardcore, son violent breakbeat. Ton style réaliste sous la belle, lyrics explicite. Révolutionnaire par mes textes, façon implicite. J'applique une logique, s'applique qu'à chacun de mes titres. Rap hardcore, son violent breakbeat. Rap hardcore, son violent breakbeat. Rap hardcore, son violent breakbeat. Style réaliste sous la belle, lyrics explicite.